Ben dans ces moments-là, j'avais 14 000 francs pour faire une contrebasse. 14 000 francs anciens. Mmh. Il fallait bosser pour la faire. Mmh. Et tout à la main, elle bouchait. Mmh. Non, ça ne gagnait pas.